salue, ton corps à ton sauveur. Salue, moi je salue, mon corps à mon sauveur. Crois au corps à sa grâce, ne les espère plus. Jésus a pris ta place. Lui sont reçus. Salue, ton cœur à ton sauveur. Salue, mon cœur à mon sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché. Toute douleur amère et ton fardeau caché. Salue, ton cœur à ton sauveur. Salue, mon cœur à mon sauveur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Et nous sommes en présence de notre Père. Je dis davantage merci à Dieu pour ce moment qui nous accorde ensemble. Et comme nous le savons, il avait été indiqué qu'il devrait être avec nous ce matin. Et merci qu'il soit là. C'est pourquoi, sans plus perdre du temps, que la grâce de Dieu t'accompagne très bien. Amen. Merci. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh! Avant de commencer, je me dis que les frères qui sont là-bas, s'ils peuvent se lever pour m'aider pour faire quelque chose. Les frères, vous pouvez vous lever. Je crois que, oui, accompagne-les alors, prendre le chou pour vous déposer. Donc, il y a un petit cadeau que ceux du Canada ont voulu bien vous envoyer. C'est ça que je vous ai amené. C'est la quintessence de ma venue déjà pour commencer. Il ne serait pas long. D'accord. Mais non. Allez-y alors, donc, on vous amène cela. Vous mettez au pied de votre dirigeant ici, il saura en quoi faire. Donc, il fallait que je vous donne cela tel qu'on m'a désigné. Entre temps, donc, si vous le trouvez bon, j'aimerais qu'on parle de la scène. Vous l'appelez de la scène, c'est à moins que vous ayez des questions. Parce que pour ce qui est de votre cadeau, vous allez gérer ça par derrière quand il ne serait pas là. C'est entre vous et votre papa ici. Et donc, si vous avez des questions, entre temps, vous posez. S'il y a des choses, ça va, maman? Papa. Tu es finalement voyagé pour le commerce là. Mm-hmm. Tu es parti, tu as esquivé. Le Seigneur a béni, va voir. Amen. Le Seigneur a béni, Jésus Christ. Amen. C'est le témoignage qui voulait faire. Ah, ok, donc tu peux donner le témoignage pendant que l'on est en train de déposer, alors d'accord. Tu peux parler. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, on va parler. Alléluia. J'aime toujours chanter pour la gloire de l'Éternel, pour le bienfait que lui il fait dans nos vies, dans ma vie, parce qu'on a prié tout le temps pour dire à Dieu, Papa béni, qu'il me bénisse, qu'il bénisse le cœur, qu'il bénisse le cœur. Parce que si nous tous, on est bénis, on ne peut pas pleurer certaines petites choses. Parce qu'il faut. C'est ma prière depuis le temps. Et je veux commencer mon témoignage parce que vraiment, quand je suis arrivé ici la dernière fois, j'ai vu le songe qu'une sœur a parlé pour mon voyage. J'espère que tout le monde était là. Vous avez suivi ça, non? Le songe. Et cette sœur m'a parlé du songe, je vous ai expliqué. Je suis arrivé ici là, j'ai parlé de ce songe. Moi, honnêtement, je dirais que bon, comme notre Dieu est souverain, il devait se souvenir de ce que je vais faire là-bas. Mais comme le songe était déjà avisé, je suis arrivé ici là, ensemble, on a dit que non, il ne faut pas que je voyage, que j'attende. J'ai attendu une semaine. Et dans les une semaine que je passais, toute ma prière était à Dieu, que Seigneur, nous voici, tu sais pourquoi je vais là-bas. Tu sais pourquoi je vais là-bas. Et quand je vais là-bas, c'est pour un truc précis et il y a le temps de ce que je vais parce que je vais pour le miel. Et le temps de miel, quand ça passe, on augmente. Donc quand tu arrives au moment où on est tenté de récolter le miel, le prix est bon. Tu dis, Seigneur, tu sais pourquoi je vais là-bas et tu connais. Et sincèrement, la prière, le rêve n'était pas un mauvais rêve. Parce que quand je suis arrivé, j'ai fait une semaine, j'ai fait plutôt deux semaines parce que. Mais une semaine que j'étais, la récolte de miel n'était pas arrivée. C'était dans la semaine que j'ai pu avoir le miel, que la récolte de miel était bonne et que je suis rentré avec ce miel. Amen. Je vous dis en toute sincérité que notre Dieu est merveilleux parce que quand j'allais, dans ma prière, j'ai dit à Seigneur que Dieu, je fais comme ça là, à Tignier. Et la distance n'est pas coupée. Je suis arrivé à Gandoré. Je suis arrivé très bien. Arrivant maintenant, il fallait sortir. Vous attendez là-bas. Aller chercher maintenant la voiture qui devait nous amener à Tignières parce que il faut tu quittes à 5 heures donc tu quittes le matin ici à 5 heures donc 6 heures le départ c'est 6 heures et on arrive à Tignières vers 17 heures 18 heures de soir donc la distance est très longue. J'arrive donc en Gandoré pour mettre les choses à la voiture. J'avais 3 bidons de miel, il y avait 3 bidons vides. Et j'avais peut-être 8 à 9 colis. Parce que quand je quitte, j'achète aussi un peu de choses pour aller vendre aussi, pour avoir un peu d'argent. Oui. J'arrive là-bas, le monsieur m'a jonglé de 3 bidons. Je n'ai pas compris. J'ai dit que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'était peut-être quelque chose qui devait m'arriver, que ces bidons-là peuvent peut-être être le sacrifice. Les bidons vides. Vides. Je suis arrivé en Gandoré, à Tignières, le 18h. On enlève les choses. Je dis que mes bidons. Et j'étais là quand le monsieur mettait les choses en haut de la voiture, on mettait les choses, les gens mettaient. Après, il dit qu'entrer dans la voiture, les choses sont déjà finies. Et moi-même, j'ai vu, il n'y avait plus rien. J'arrive en gant à Tignières, je ne vois pas les bidons. C'est pas tombé en route. Je dis, et il y avait tous les gens qui sortaient de là-bas, de machin, ils sortaient, il n'y avait même pas de bagage en route. Donc, il fallait commencer à Tignières avant d'amener les gens. Je dis que les bidons. On envoie les nouvelles là-bas. Le type dit, effectivement, il y a des choses qu'il a fait comme ça là. Après, quand il a fait les choses, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Je suis donc resté les deux semaines. C'est un téléphone, recevoir. Pourquoi quand vous venez dans les réunions, vous ne tenez pas le téléphone? Je sais même comment appeler vous. Je sais même les qui comme ça là. Non, le problème c'est que tu as d'abord laissé le téléphone ouvert. Le problème c'est qu'il y a parfois, tu peux me rester même à la maison, même deux jours, on ne t'appelle même pas. Oui, et quand il y a la prière maintenant, là tu viens dans la prière maintenant, on appelle pour l'argent. Je veux toi-même maintenant t'appeler. C'est peut-être que c'est le commerce comme ça, on veut de l'argent. Maintenant, quoi. Je suis donc, je fais les jours là, je vais à la gare de Dieu demander le bidon, je n'ai pas le bidon. Quand je suis dans. La semaine qui suivait, on m'a dit que le miel est dans tel village, il fallait que je parte là-bas. Je suis venu là-bas et j'ai récupéré le miel. On devait me donner le miel. Me parle bien, non. Il y a encore quelqu'un, tu as encore peur de mettre ça. Non, je n'ai pas peur de quelqu'un. Justement, que quand je suis donc. Parce que tu parles, tu baisses la voix comme ça. Non, quand je suis donc parti dans le village, parce que là-bas, il y a des petits villages. Donc je suis parti dans le village, on dirait que le miel sort déjà là-bas. J'ai laissé les bidons et puis maintenant on m'a renvoyé seulement à Tignières par une des voitures. Donc gloire à Dieu, je suis rentré avec le miel, c'est ce que je pouvais rentrer avec. J'ai donc voyagé, c'est vrai que je suis quitté de Tignières dimanche pour arriver ici lundi, mais je suis arrivé plutôt mardi. Parce que la voiture qu'on avait empruntée elle n'était pas bonne. Mais le Seigneur a béni jusqu'à ce que je suis arrivé ici là. Quand le maman Frida est mangée, je l'ai respecté, elle a dit de mon maman. Comme le Seigneur a permis ça, que tu rentres, c'était des sorcières. Je prends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu parce que tout ce que notre Dieu fait est bon. Parce que moi, vraiment, quand je suis même arrivé à Gandoré, j'ai dit à Dieu que Seigneur, je suis, j'ai dit, voilà la première étape, je suis arrivé à Gandoré. Je n'ai pas eu d'obstacle. Voilà maintenant que je prends notre route pour arriver à Tignières. Seigneur. Donc pendant que tu voyageais, le son était toujours là. Je me suis rendu arrivé avant que tu te. comme tu as permis, papa, merci. Parce que même quand je suis quitté là-bas, je fais la première étape, je dis que Seigneur, tu as permis que j'arrive au première étape. Deuxième étape, encore après. Donc, c'est comme ça, j'étais tout dans, ma, dans mon cœur, dans la prière, je disais tout à Dieu que, papa, que rien ne peut arriver. Et que quand je suis arrivé ici-là, j'avais 9 colis. Tous mes 9 colis sont arrivés, parce que j'ai reçu, j'ai récupéré tous mes 9 colis. Je suis arrivé à la maison sans problème. J'ai dit merci à Dieu. Parce que vraiment, ce son, je m'a fait que ça m'a dérangé. Mais comme Dieu, notre Dieu, est, il est tout là pour réparer. Réparer même ce que c'est qu'on croyait peut-être que ça ne veut pas. Il a vraiment fait une chose que je suis. Donc tu vois que quand on avait eu le son, tu t'es préparé à voyager le mercredi qui suivait. Après, quand tu as entendu ici, on a parlé, tu as fait une semaine et tu as voyagé. Oui, j'ai voyagé. Et entre temps là, j'étais toujours dans la prière. Dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Quelqu'un d'autre? Ou bien? Oui, là. Viens, rien pour tes frères te voient, non? Alléluia. Je veux que le témoignage je dis parce que il y a mon petit frère, celui qui me suit, qui était parti disparu depuis mardi de la semaine passée. Et que Dieu a permis à son qu'il puisse revenir dans les bonnes conditions. Mon petit frère, ce qui a fait en sorte qu'il fuit, en effet, c'est qu'il est parti à la source pour puiser de l'eau. Il a ramené des. Je ne sais pas le langage, excusez-moi. Les livres là où il y a les pornographies. Et il a quel âge? Il a 13 ans. 13 ans? Oui. Il allait à la source pour puiser de l'eau? Oui. C'était dans l'eau? Il a dit, voilà, il a dit que quelqu'un avait envoyé jeter les ordures dans le paquet de ses ordures, c'est là où il a. Il a trouvé ça dedans. Il a aussi pris. En venant dans mon père était inquiet, il est parti le chercher à la source. Ils sont se sont rencontrés au chemin. Mon père lui a demandé, on part à la maison. Il avait sa cachette ici. Il l'a caché dans son vêtement. Oui, il a tourné dans l'espace là pour jeter pour que le père ne puisse pas voir. Mon père dans le temps que lui, il est parti, il a vu. Ils sont partis à la maison ensemble. Il est arrivé donc, mon père était dépassé, tant qu'il expliquait à maman comment l'enfant était reçu, comment il sait plus comment faire pour que cet enfant devienne droit. Après maintenant, mon père a pris ce document, il a brûlé devant lui. Mon père a dit qu'il passe dans la chambre, rester là-bas dedans, qu'il ne sort plus. Après, mon père qu'on s'est dit qu'il était sale. Mon père a dit sort, va te laver. Bon, quand il partait donc se laver. Quand il revenait, parce que moi je suis en train d'accompagner ma petite soeur de classe, quand il est à 17h30. Moi j'étais fâchée à chercher, je rentrais. Quand je rentrais, donc, je l'ai vu comment il sortait des toilettes avec la serviette pour rester, pour s'habiller. Quoi. Quand je suis donc rentrée, ma petite soeur était encore aux toilettes, je suis entrée. Ça n'a pas fait 15 minutes, je suis sortie, j'ai crié, Christian n'était pas là. J'ai crié, Christian, mon père commence à dire, mais l'enfant est parti. On a dit que nous, ça peut faire que nous aussi, lui était, il était aussi fâché, il est parti comme ça. Il s'est habillé, donc il est sorti. Il s'est habillé. Je n'ai même pas vu la manière qu'il est habillé. Rien. La dernière personne à le voir, c'était ma petite soeur, la dernière. Là. Bon, après, donc, ça a fait le mardi là. On n'a pas dormi, on est resté là jusqu'à minuit pour regarder même si l'enfant vient dehors. Et que nous, on dit que entre, tu as fait les babus, ça va. Après, donc, il n'est pas venu le mardi soir. Mercredi, il n'est pas. En détail, il ne fréquente pas. Non, il ne fréquente pas. On a demandé à sorte que, comme il ne peut pas fréquenter, bon, quand c'est un enfant que mon père et maman ont dit en sorte qu'il ne peut pas fréquenter, on lui a mis dans les formations. Et dans ces formations, donc, il est parti commettre des bavures là-bas. C'est ce qui a en sorte que les responsables de cette formation lui ont chassé. Donc, il dit qu'il ne veut pas déjà des personnes là dans leur entreprise. Ce qui a fait en sorte qu'il puisse rester à la maison. Et chaque jour, on lui demande qu'est-ce que tu veux faire. Il ne parle pas, rien comme ça. Bon. Ensuite, mercredi, parce que c'est le mercredi, après mardi, mercredi qui suivait, on est resté, on a commencé à chercher. Maman et moi, on partait partout pour chercher. Bon, partout, on cherchait partout, on n'a pas donné. Elle a commencé à dire, elle va lancer les recherches. Les recherches que son enfant pourrait disparaître. Pendant ce temps, donc, mardi est passé, on a cherché. Elle était à désespérer, même que l'enfant, comme ça, là, est parti. Jeudi, donc. Je cherchais aussi, je ne suis pas partie à l'école jeudi parce que ma dernière, elle n'avait pas classe. Et comme moi aussi, j'étais déstabilisée, que je suis partie à l'école, mon petit frère n'est pas là aussi. Là. Je n'étais pas en bon état aussi. Je suis restée à la maison. Je marchais aussi comme ça, je partais quelque part. Un soir, ma mère était à rentrer. Je suis partie faire les communiqués. Je cherchais ces gens pour faire les communiqués parce que l'enfant est parti du soir, ça faisait 3 jours. Bon, arrivé donc, il y a un voisin qui. Bon, comme j'avais. Parce que comme tout le monde, comme vous voyez là, mon petit frère porté disparu, depuis 3 jours, on ne le voit pas. Il y a un petit garçon là, vers chez moi qui m'a dit fortune. Est-ce que vous avez vu votre petit frère? Je dis non, je viens de voir passer là un homme étant bien habillé, il passait vers le jardin de Baba. Je dis merde, je cours, je pars à jardin de Baba. Je prends la couche là qu'elle sait que nous aussi je passe là-bas, je peux quand même les voir passer. J'ai demandé au petit là que pourquoi tu n'as même pas crié quand tu les as vus. De faire en sorte qu'on arrête même l'enfant avec la personne qui le tue. Bon, c'est passé, c'est Dieu qui a voulu en sorte qu'il ne s'y pas. Il s'y passe, je ne les ai pas vus. Après, je suis rentrée à la maison, ma fille et ma Julie étaient à la maison, j'ai expliqué le problème comme ça, comme ça. On est parti chez la personne, petit garçon qui l'avait vu là. Elle a posé la question, On était allé dessus, on mettait dans notre tête que la personne qui marchait avec peut-être quelqu'un de mauvaise volonté qui l'a mené comme ça, comme il y a beaucoup de mauvaises choses en kidnappé. Un jour kidnappé ou pas chez comme ça, le vendre quoi. Après, le même jour, ma mère a demandé en sorte que on paye un ami là qui marche souvent avec lui, qu'on parte chez cet ami-là. C'était vers 20h parce qu'on a laissé les mamans là pour les accompagner, nous on est reparti. Normalement, on voulait partir au poste de police. Ma maman a dit qu'on ne part pas là-bas. Parce qu'elle a dit que son cœur n'en avait pas pour poste de police. On est donc parti chez cet ami-là. On lui a posé la question que papa, pardon, si tu connais moi, ça, mon petit frère peut être. Tu nous dis. Il dit qu'il ne connaît pas. Étant là, quand maman et moi, on voulait partir, elle question pour le fil. Allô, oui, c'est vous la maman de Daniel. Parce qu'elle est partie mentir là-bas, tu s'appelles Daniel. Oui. Et vous la maman de Daniel comme ça, retourne-moi à l'hôpital de Bédi, ici à l'hôpital central à Bédi. On part, elle était tellement en fait, on prend un peu, on pardonne. On arrive sur les lieux. Le papa, lui, il a une orphelinat. Il nous explique donc à ma mère et moi que notre petit frère est venu là-bas depuis mercredi. Ça veut dire mardi, il n'a pas dormi chez eux. Il nous a donc expliqué que mardi, il a dormi dans un bénitariat de Bédi, là, il y a son bénitariat, qu'il a dormi le temps caché. Un tableau qui le couvrit. Le matin, il s'est enlevé, il a vu la plaque qui orphelinat, il a commencé à suivre les flèches. Donc, la flèche, il a suivi la flèche pour aller à l'orphelinat. Bon, Dieu merci, ce type, ce papa, pardon, parce que moi, était une personne gentille. En effet, c'est la personne même qui marchait avec lui le jour même, qu'on l'a vu, qu'on l'a perçu. Voilà, papa nous explique donc qu'il a dit qu'il est orphelin de père et de mère. Il n'a personne. Il est allé mentir à l'orphelinat. Bon, quand il est donc parti comme ça, on lui explique, maman était bon, elle ne pouvait même pas parler, elle me dit que parle seulement, parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle devait, elle était à deux. En même temps, pendant qu'on parlait comme ça, ton petit frère était là. Il était là. Il était là. Parce que là-bas, ce n'est pas une orphelinat ordinaire, quoi. C'est une orphelinat que il a sa grande, c'est une grande maison. Quand un enfant vient là, qu'il n'a pas de parents, bon, je sais que mon petit frère lui n'a marché, qu'il n'a pas de parents ou bien il n'a pas quelqu'un, il cherche à savoir là où là. Bon. Le quartier où ils sont. Le quartier où ils sont, mais c'est pour cela donc qu'ils étaient en train de se promener là-bas. Oui. Et celui-là, et ton petit frère l'a envoyé balader en fuyant la maison. Il a fait aller traverser tout le jardin. Voilà, et voilà, effectivement, il a fait continuer, parce que le papa là, lui disait qu'il est quelqu'un de l'État. Que son orphelinat, c'est pas là où on garde les gens. Son orphelinat, c'est dans le but de prendre un enfant et de le remettre à sa famille. C'était sur un enfant tous les ongles, les tantes et quelqu'un. Même si ses parents sont morts, il y a toujours quelqu'un qui peut l'entretenir. Bon, il a donc mangé papa là qu'il vivait dans une maison abandonnée, etc., etc. Il a mangé comme ça. C'est pour ça qu'il a fait marcher le papa là jusqu'à. Il est fatigué, il est ramené là-bas. Et ce qui a fait en sorte que le petit du quartier là qui m'a dit qu'on a perçu mon petit frère, c'est parce que quand il a vu, il a baissé la tête. Quand il a vu le petit là, mon petit frère a baissé la tête et puis il ne le voit pas. Le papa en nous expliquant, donc il a dit qu'il a su que mon petit frère mentait déjà. Parce qu'il a vu d'abord quelqu'un, il a vu comment son aspect, quoi, comment il faisait. Bon, le papa là, lui a donné des conseils, que nous, il ne doit plus faire ça parce qu'il a sa, que personne ne peut l'aimer comme ses parents. Et comme il est dans le petit manger avec mes parents, il a des parents, mon père, ma mère, c'est son père et sa mère. Donc on lui a donné des conseils comme ça, que la chicane ne tue pas. On ne l'a même pas menacé, qu'on ne va même pas le taper. Quand on va le taper, rien. Bon, il est parti comme ça là. On lui a dit que les faits qu'un enfant prend déjà l'engagement de fuir la maison ne doit pas être, n'est pas bien. Parce que quand tu en vas pas, tu poses aux parents que comme tu vois là, comme ça. Excusez-moi de prendre le chemin trop long pour arriver jusqu'à la destination. Je voulais remercier Dieu parce qu'il a permis en sorte que la personne qui est partie chez lui ne soit pas une mauvaise personne. C'est une personne qui lui a donné même à manger, donné de nouveaux habits, lavé ses vêtements, qu'il avait celui qui était sale. Lui encadré, lui donner les conseils, lui parler de Dieu. Je remercie beaucoup Dieu parce qu'il est vraiment très bien de bonnes personnes. Je crois à Dieu. Amen. Il Bonjour à toute la famille. Bonjour la soeur. Oui, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. C'était la semaine, les deux semaines. Oui, ça a d'abord commencé par les persécutions à la maison. Et le Seigneur a commencé à me laver intérieurement. Donc, le fait que, au début, le Seigneur me avait déjà appris comment je jeûnais. Moi, je jeûnais moi. Même il me disait comment je dois faire pour jeûner. Et quand le jeûne est arrivé, peut-être même c'est tout le courant. Et avant ça, quand je faisais ce petit jeûne avant ça, je saignais dans tous les résidus, ça, la saleté, tout ça. Mais pendant les deux semaines de jeûne, le Seigneur a commencé à vraiment me nettoyer déjà que ces résidus, c'était pas, c'était réellement la saleté. Donc la saleté purement sortie. La saleté, et ça dégageait. Ça dégageait. C'est après peut-être deux jours ou trois jours après, quand on devait cesser le jeûne, que ça s'est coupé. Je rends grâce à Dieu parce que moi je ne savais même pas que je devais avoir des choses comme ça en moi. Quand j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi, Dieu m'a montré les choses que franchement je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait me montrer. Parce que j'ai dit, si Dieu m'a déjà délivré, que moi réellement je veux le servir, je vais réellement faire, mais malgré que je n'ai pas encore cette possibilité de le tenir, mais j'ai la volonté de le tenir et il va m'aider. C'est comme ça aussi que une fois dans la nuit, il m'a montré beaucoup de trucs par rapport à ma famille. Par rapport à ma famille, je me pose la question que comment le Seigneur peut me montrer ça. Avant, il n'y avait pas ça. Il y avait des problèmes dans ma famille. Je ne comprenais pas pourquoi il y a ces genre de problèmes dans ma famille. Après, dans la nuit comme ça, le Seigneur m'a montré que la femme de mon oncle n'était pas une bonne femme. Il y avait un esprit de piton en elle. Vous savez que les années dans la famille. Donc, le Seigneur m'a montré où réellement je suis dans la famille, dans la maison familiale. Donc, elle nous a chassés, nous tous, les enfants de la maison, pour prendre seulement la maison, pour s'accaparer de la maison. Donc, physiquement, elle crée les divisions dans la famille. Et pendant le jeûne, pendant que tu priais, et c'est ce que tu as vu en sort. Tu n'étais pas levé le matin pour lui dire que tu es un piton, non? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai compris que Dieu voulait déjà me montrer des choses. Parce que si tu n'es pas sincère avec Dieu, que tu ne suis pas réellement, il ne va pas te montrer réellement ce qui se passe. Parce que quand moi je lui ai dit, Seigneur, révèle-toi en moi. Il se révèle à moi, et que quand dans la nuit je vois, je dis, Seigneur, ça c'est toi. Il me dit, n'aie pas peur, parce que moi je vais t'utiliser. Et par rapport à mon école, il y a une chose, quand j'étudiais, même je ne comprenais pas. Quand j'étais à l'école, j'étais toujours distraite. Toujours distraite. Quand j'ai jeûné, j'ai demandé au Seigneur que, Seigneur, tu es le Dieu de l'intelligence, donne-moi ton intelligence à ça, afin que je puisse t'honorer. C'est comme ça que chaque fois maintenant, même si je ne lis pas le cahier, mais que j'ai reçu la leçon, ça cale à l'intérieur. Même si je prends seulement le cahier à la tu vois donc qu'il y a la différence maintenant. Je prends le cahier jusqu'à la fin. Ça revient comme si on avait seulement appuyé un bouton. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Quelqu'un a dit quelque chose? Ah, seulement les femmes seulement. Mais les hommes n'ont pas de témoignage. Viens, ma soeur, viens. Là, vous allez vous plaindre d'elle. Viens ici. Bonjour, papa de Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur parce que j'ai été rebelle. Amen, je reconnais. Hein? J'ai été rebelle envers le Seigneur. Elle dit qu'elle avait refusé parce qu'elle était rebelle. Donc, elle en voulant nous dire par là qu'elle n'est plus rebelle. Dis-nous, maman. Les enseignements que le frère Junior faisait sur le frère Junior, on m'a ramené à la maison. Je dis que ça entrait parfois, ça ne restait même pas. C'est au coup que la dérange. C'est sa part. Que dis-tu de ta part là-bas? Mais hier, on devait se rendre à la prière. On était à la prière, mais à la prière. Quand on m'a quitté, ce qui m'a voix étonnée, c'est que quand on a trouvé le frère en train de parler des femmes. Une femme ne doit pas travailler, ne doit pas faire travailler des travail, travaille les hommes. Parce que dans la Bible, il n'y a pas une femme qui est soldat. Mais moi-même, je sais que je suis soldat. Subitement, quand j'arrive, on parle de ça. Tu n'as pas sorti de l'âme, tu n'as pas dit que c'est la dernière fois où tu parles ça. Je dis que, mais quand une femme se trouve en train de faire ce travail, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Je n'ai pas dit qu'à la femme qui est soldat maintenant de démissionner, mais tu dis à la femme là que quand tu fais le travail là, Dieu a un plan pour toi. Ça ne veut pas dire démissionne, mais ça veut dire quand tu es là-bas, tu dois faire un tu dois travailler d'une certaine manière pour que les autres, tu dois montrer l'exemple aux autres femmes qui sont là-bas. C'est comme ça, en tant que femme chrétienne. Après ça, il a expliqué beaucoup de choses. J'ai donc posé la question. Là, c'est pas moi, non? Oui, c'était pas vous. Voilà. Faut que ça soit clair. Oui. Que comment vivre une vie de sainteté? On a continué à poser. D'abord, quand il a d'abord dit l'autre là, ça ne t'a pas fâché? Ça m'a pas fâché puisque moi-même je connaissais que. Là où tu es, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il a même parlé à faire de corruption, comment nous les hommes maintenus, nous on ne peut même pas s'en passer de ça. Moi-même je connais, je suis dans mon milieu. C'est très grave. On ne peut pas vivre à l'article 2. J'ai suivi hier. Le problème de ce matin, c'est par rapport aux ornements. Puisque la parole de Dieu dit que quand le Jacob montait à Bethel, le malade Jacob montait à Bethel pour offrir un sacrifice, il a demandé aux gens de s'enlisonner, de se débarrasser de leur Dieu. Puisque sa femme Léa avait pris les dieux de son père, il les avait amenés quand Rachel. Quand il quittait la maison de son père. Mais ce qui était étonnant, c'est que Jacob n'avait pas dit que Rachel donne les dieux de son père. Il avait dit que chacun se débarrasse des dieux étrangers qu'il a. Pour nous, moi je ne connaissais pas qu'il y avait les dieux étrangers comme peut-être le boucle, la mèche, puisque même mon mari a parlé à la maison. Elle dit à mon mari que moi je travaille les tâches, je ne peux pas me tester avec les mecs tous les jours. Et de l'autre côté là, oublie. Oublie les choses là. Ok, je comprends pourquoi tu disais que tu étais rebelle, oui. Oui, oublie le côté là. Mais quand le gars avait parlé fatigué. Il avait parlé fatigué. Mais quand on va parler, il y a que non. Comment une femme peut elle-même peut prendre les mèches et mettre sur sa tête? Même hier là, frère, je ne veux pas vous mentir, j'avais les mèches sur la tête. Mais quand il parlait, comment, je ne savais pas comment je pouvais commencer à enlever ça là. Mais comme il y avait le foulard. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a pris alors que ton mari t'a parlé, tu as écouté les enseignements. À cet instant, qu'est-ce qui s'est passé au juste? La parole m'a touché. Puisque même le vernis, j'avais ça hier, j'ai enlevé. Mais. Les boucles. Quand mon mari a entré, il était à la prière hier, je l'ai appelé, que j'ai eu une grande nouvelle pour toi. Il croyait que peut-être que tu as eu l'article 2 encore. Qu'on a augmenté le salaire. Il a trouvé un sac parce qu'il y avait les perruques, les boucles, les chaînes, j'avais tout ça. Mais. Voilà les dieux étrangers qui m'empêchaient vraiment de prier. Parce que là, c'était. Ton mari a envie de bouger les pieds là-bas sur le la chaise comme ça. Parce que c'était vraiment un sacré dit que ça, voilà ça. Le sac de vernis, tout ça, je me débarrasse de ça aujourd'hui. Je me suis rendu compte que. Ce sont ces dieux étrangers que je portais tous les jours. Les boucles, j'avais ça. Donc, je me souviens dernièrement le fait qu'elle avait venu prier à la maison. Elle demandait à mon mari que, mais pourquoi tu n'as pas mis les boucles? Je n'ai pas répondu. Vous avez dit que plus tu n'as pas, tu sors. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a délivré de ça. Parce que l'autre là, je ne savais pas que je pouvais me débarrasser, que je pouvais rester sans venir, mais je parlais à l'autre. Voilà, ne te quitte pas encore, d'accord? Avant qu'on le dise Amen et on remercie le Seigneur pour ta part. Je vais vous poser quelques petites questions. Pourquoi tu as percé tes oreilles? C'est pas moi qui ai percé les oreilles. Qui a percé? C'est ma mère. Elle a expliqué qu'elle t'a percé tes oreilles. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Donc quand tu étais dans le ventre, tu étais? Un homme. Répondez alors. C'est-à-dire quand vous allez à l'échographie, quand on met là, le docteur, quand il regarde sur le cœur, il regarde les oreilles. Dites-moi aussi, quand vous êtes enceinte, le docteur met quelque chose, il regarde sur la photo là, pour vous donner le sexe de l'enfant, non? Oui. Et il regarde quoi? Le sexe. Donc, ça veut dire que la femme est connue par son sexe ou bien par ses oreilles? Par son sexe. Donc, il recommence encore. Donc, ta mère t'a dit qu'on a posé ses oreilles pourquoi? Parce que j'étais une fille. On devait me connaître par les boucles. Bon, dites-moi aussi. Ça veut dire que quand une femme ne porte pas des boucles, elle n'est pas une femme, c'est ça, non? Comment? Vous voyez que. Donc, est-ce que ce sont les filles qui doivent porter ou sont les tout le monde doit porter? Je reste avec toi, d'accord, ma soeur? Maintenant, quand tu as enlevé ces choses, comment tu te sens? Je me sens libre. Vraiment. Très libre, même. Mais tu ne sais pas quand même regarder le prix que tu as dépensé là-bas. Je regarde, même quand j'enlevais ça, il y a les frais que j'enlevais, je savais à ce moment faire une semaine. Oui. Mais c'était la volonté de Dieu. Parce que quand je me suis dit, j'étais même en jeûne. Et on m'a dit que même le jeûne que j'ai fait, ça ne peut même pas donner. Puisque je suis en train de désobéir à Dieu. En le jeûne avec les mains sur la tête, les boucles. Donc le jeûne que j'ai fait là, je fais le folklore. Mais je veux que devant donc tes soeurs, tu leur expliques donc en quoi consiste donc ces boucles d'oreilles. Parce que certainement il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Dis-leur concrètement ce que toi tu as compris maintenant, puisque c'est toi qui t'es débarrassé. Déjà les soeurs, est-ce qu'elle est belle alors maintenant comme ça? Elle est très belle. Vous ne voulez pas parler, hein? Elle est belle. Ok, dis-leur alors. Ce que j'ai compris hier, c'est que les boucles, c'est un dieu comme... Parce que quand une femme a les boucles aux oreilles, peut-être les bracelets, les chaînes, c'est aussi un dieu là-bas, si tu n'as pas de dieu. Parce que tu vois que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être belle. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être présentable devant les gens. Donc, moi, j'ai compris, c'est ce que je voyais. Et quand je n'ai pas ça, je ne suis pas bien. Elle prend les faux cheveux. Oui, j'avais quand je n'ai pas les mèches, que je n'ai pas les tresses, que je peux acheter quelque chose, je ne vois pas que ça peut durer sur ma tête. Donc, je pose l'autre question. On a juste quelle est l'explication du fait qu'on met les cheveux, les faux cheveux? On met ça pourquoi? La vraie explication, c'est-à-dire en quoi est-ce que consiste les faux cheveux? C'est pourquoi est-ce qu'on met? De cœur à cœur, il ne m'adresse pas aux hommes. Je veux que pendant que vous êtes assis aussi là-bas, donnez-moi une explication. Le pourquoi on met le vernis? Le pourquoi? Dites-nous le pourquoi vous mettez le vernis? Pourquoi? Les faux, vous appelez les... Comme quand on fait comme les tigresses comme ça là. Pourquoi? Les rouges à lèvres avec les phares là, les yeux là-bas. On met ça pourquoi? Les faux cils. Les faux iris à l'intérieur là. Essayez de nous expliquer. Je mérite donc que vous nous... Essayez de nous édifier. Qu'est-ce qui vous pousse dans votre cœur? Vous faites pourquoi? Quelle est la motivation? En tant que femme. Vous voulez sortir pour aller acheter du pain. Vous allez d'abord à la toilette, au miroir. Faites comme ça. Maintenant vous sortez. C'est pourquoi? Oui. C'était le cas parce qu'ils ont le mari. Comment tu parles de certaines d'autres personnes? Ah non, c'est que ça ne te concerne pas. Allons-y, je veux les gens qui font, parce que je veux comprendre. C'est à partir de l'espérance qu'on peut comprendre, parce qu'il mérite de comprendre ce que ces gens-là, ce qui les motive. Toi, tu ne peux pas comprendre, parce que je ne fais pas. D'accord? Oui, ma chère. Oui. Une fois que je suis entrée dans la chose, oui. J'ai compris, moi j'ai arrêté sans rébellion. Quand je le faisais, je disais que c'est une sensation. Oui, et déjà quand on le fait, c'est pas seulement pour nous, oui. Il faut attirer le regard. Le regard. Donc la motivation qui pousse une femme à mettre ces choses-là, c'est pour attirer le regard des autres. Oui, okay. Elle se dit qu'elle le fait pour son homme, mais c'est ça pour son homme. Ok. Mais puisqu'il y a d'autres qui n'ont même pas le bon homme, mais elle fait toujours. Bon, les hommes aussi, maintenant, pose la question. Quand vous regardez les femmes là, qui ont ça, vous regardez quoi? Ils font là-bas maintenant comme Saint-Barthélemy. Personne ne veut parler. Donc, ma soeur, dis-nous, quand tu mettais les mèches là, haut là-bas, tu mets ici le couleur, si est bleu, l'autre est rouge, l'autre est jaune. Cette coloration, c'était pour faire quoi? Pour devenir plus belle. Pour devenir plus belle. Mais ça, là, tu fais comme ça pour aller au travail, non? Oui. Pour qui alors là-bas? Pour moi-même d'abord. En même temps, ton mari à la maison dit que lui, il ne veut pas ça. Normalement, tu dois être belle pour qui? Oui. Donc, vérifie votre projet de ton mari. Monsieur le mari, elle est comment maintenant? Ça reflète déjà quelque chose. Tu l'as dit quoi, frère? Elle reflète, c'est-à-dire elle tire déjà vers la femme vertueuse. Bon, quel était ton état quand elle était toujours avec ça et au d'ailleurs, vous étiez à la maison avec la parole? C'était la guerre. Un combat. J'ai toujours parlé, ça fait des années aujourd'hui, ce n'est pas hier ou avant-hier. Je lui disais, si tu veux plaire au Seigneur, il faut observer ce que le Seigneur dit. Voici ce que la femme doit faire. Voici comment elle doit se revêtir. C'est pas les mèches, les ongles et tout ce que tu es en train de faire là. Si moi je t'apprécie que tu es belle, ça va. Tu es belle pour moi. Je te taille à ma mesure. Écoutez, il dit que la taille à sa mesure. Non, et c'est pas la parole de Dieu. Donc, mais c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire dehors que tu es joli ou n'importe quoi. Mm-hmm. C'est moi qui dois voir ça. Mm-hmm. Donc c'était comme ça. Voilà. J'ai été surpris quand elle m'appelle, moi, elle pensait peut-être que. Le salaire a augmenté. Que on a eu quelque chose. Donc, quand elle arrive devant ça, il y avait les mangues à côté. Qui a ça? On est venu me donner. Et le sac, c'est pour qui? C'est pour moi. Je n'ai même pas d'abord regardé son apparence. J'ai vu les trucs, comme il a défait la tête, et c'est resté là comme si avant que le même chemin, j'ai regardé. Le jour que tu vas te décider, mm-hmm. je n'en parle plus. Mm-hmm. Okay. Elle commence à me raconter, mais peut-être que j'ai quelque chose pour toi. Je m'assois, elle me raconte. Et voilà, j'étais à l'enseignement des jeunes à Niala. Et là, tu es surpris? Bon, je savais, plus je leur ai donné l'argent de transport. De se rendre là-bas. Mm-hmm. Donc, elle commence donc à me relater comment le frère Philippe a prêché. Il a dit concernant la femme. Et quand elle se retrouvait vraiment très, très, très choquée à cause de cela, mm-hmm. et elle est arrivée directement, elle a enlevé ça. Je vois son sac de perruques. Sac de perruques. Un ballot de vernis. Il y avait tout ça à la maison. Donc, elle a d'abord pris les mèches là et les perruques. Après, c'est elle-même qui se souvient que il y a l'autre Dieu là-bas et il veut se cacher. Elle va ramasser les perruques. Donc, elle faisait qu'elle est sortie comme ça là jusqu'à ce matin. Uh-huh. Dès qu'elle se souvient de ça là, elle fait sortir. Donc, elle avait les divinités étrangères partout, enfouies dans la maison. Oh, partout. Parce que je te pose la question maintenant. Devant les frères et les sœurs ici. Il y a des gens qui disent que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Qu'est-ce que tu en dis? C'est faux. Dieu regarde l'apparence. Mmh. Puisque... Mais même ce qu'il vient de dire là, toi-même tu me disais ça aussi, non? Bien sûr, moi je disais. Mais les gens qui disent que c'est faux, moi je crois que c'est faux. Mmh. Parce que depuis que on prie, moi et mon mari, même si on s'accorde pour prier, le résultat on n'a rien. Rien. Puisque moi je sais. Je ne suis pas conforme devant le Seigneur. Donc, toi, tu savais très bien que tu es dans la désobéissance. Mais n'es-tu pas quand même devant celui que tu veux, à qui tu veux quelque chose, tu pries, tout en sachant que tu es désobéissant vis-à-vis de lui. C'est un paradoxe à milieu chrétien qu'il ne comprend pas. Courage, d'accord, ma soeur. Alors, quelle exhortation veux-tu faire à tes soeurs alors? Parce que là, on se trouve, là, il y a des gens ici qui ont leur sac de vernis à la maison. Les faux ongles. Il y a même l'autre ici avec les culottes, les matelots. À la maison. Donc ne va pas assis ici comme ça. Ouais, il parle, il ne regarde pas, non. Donc il y a des gens ici comme ça qui sont assis là-bas. Qu'est-ce que tu leur dis? Ce que je pense, c'est une soeur qui m'appelle. C'est se conformer à la Bible, comme la Bible dit. Le Seigneur demande que la femme soit une femme vertueuse. Oui. Puisque j'avais dit dans l'Ecclésiaste, je ne comprenais pas. J'avais envoyé une question. J'ai reçu la réponse. J'aimerais aussi demander à mes soeurs de beaucoup lire, puisque en se lisant la parole, on comprend mieux. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Applaudissez pour votre Seigneur. Même si votre mari l'a applaudi quand même. Que la gloire lui soit rendue. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il ne doit pas vous garder pour longtemps. Donc papa, voilà, c'est ceux du Canada qui ont envoyé ce petit paquet pour vous. Donc je me charge comme un trait d'union, ça n'a rien à voir avec moi. Je vais vous donner cela afin que vous en faites comme vous pouvez, que Dieu vous bénisse pour cela. Oh, que de Dieu, voilà, nous entendons ensemble la bouche du frère. On était dans la voiture, il ne lui a pas parlé, il ne savait même pas. Nous entendons tous ensemble ce qu'il est en train de nous dire ensemble. Et ma prière est la vôtre. Bénisse grandement la source de cette provenance qui est devant nous tous. Que le Seigneur du ciel et de la terre et de dessous la terre bénisse la source de cette provenance. Merci. Amen. Ouvrez les Saintes Écritures, on traite d'un de ces sujets et puis on avance. Maintenant, souvenez-vous de cela. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15, si vous lisez les versets 22 et 23, je veux vous dire, il faut que vous sachiez que Dieu peut exaucer les païens et refuser d'exaucer ses enfants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir besoin de quelque chose en tant que chrétien. Un païen a besoin de cette même chose. Il ne sait même pas votre Dieu. Dieu lui accorde ça à ce païen-là. À toi, chrétien, il ne donne pas. Parce que toi, tu es dans la désobéissance. Tu es censé faire ce qui est juste. Et tu ne le fais pas. Et Dieu fait cela, pas parce qu'il veut te souiller, ni parce qu'il veut te... mais parce qu'il veut t'amener à sa, à son obéissance. La désobéissance, donc, je parle ça parce, par rapport à la, notre soeur, parce, comme elle disait là, avant qu'on ne touche le thème, je voudrais faire un bref là sur cette désobéissance. Beaucoup de chrétiens donc, se trouvent dans la désobéissance. Il y a des gens qui connaissent exactement la volonté de Dieu pour un sujet. Bien qu'ils connaissent la volonté de Dieu, ils laissent, ils disent, je prends un exemple simple pour vous comprendre, donc, terre à terre. Imaginez que vous lisez dans les Saintes Écritures que si quelqu'un croit, il doit se faire baptiser. C'est écrit noir et blanc. Et tu dis que tu attends que Dieu te convainque. Comment tu vas te convaincre? Voici ce que la Bible déclare. Regardez, si vous lisez le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, il y a l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Vous vous souvenez de cette histoire? Lorsque les deux sont morts et quittaient la dimension terrestre, et chacun se retrouvait dans son lieu, l'homme riche qui était dans les flammes de feu a dit à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare sur la terre. Écoutez bien ça. Envoie Lazare sur la terre pour qu'il avertisse mes frères, car j'ai cinq frères dans la maison de mon père. De fin que, comme ça, parce qu'on sait, déjà que Lazare est mort. On sait qu'il a été enterré. Selon lui, si Lazare se réveille maintenant, il va maintenant dire que, je reviens de l'enfer. Et qu'il y a quoi en enfer? Il dit, j'ai vu ton grand frère qui est mort hier là. Il a dit qu'il veut vous dire que ne vivez pas la sale vie que vous vivez, sinon vous allez aller en enfer. C'est ce qu'il lui pense étant là-bas dans ce jour de mort. Il dit, si va leur avertir, mais si quelqu'un de mort revient vers eux, ils croiront. Parce qu'ils ont vu que quelqu'un est parti, il est retourné. Vous savez ce qu'Abraham lui a dit? Ils ont su la terre. Quoi? Moïse et le prophète. Or, pendant que Jésus est en train de raconter cette histoire, Moïse ne se trouve pas sur la terre. Il parle de quoi? Il parle du livre, parce qu'on parle de Moïse, on parle du livre. Ils ont les prophètes, parce qu'on parle de Moïse, prophète et psaume, on parle du livre. Ça se trouve que le livre est censé nous donner les instructions pour nous permettre de marcher droit comme Dieu veut. En termes clairs, il est question des sacrificateurs sur la terre qui sont censés enseigner les gens dans la voie de justice. Il dit qu'ils les écoutent. Vous avez entendu ça? S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là-bas aussi. Donc Dieu a mis un carnaval. Quelqu'un ne peut pas lire quelque chose donc dans les Saintes Écritures. Il dit que j'attends que Dieu me convainc. Vous allez attendre pour l'éternité. Je sais pas, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors donc, comme je disais pour le cas du baptême, imaginez quelqu'un lit. Dans Marc chapitre 16, verset 15. Allez par toutes les nations, prêchez à toutes les nations. C'est lui qui croira, c'est Jésus qui ouvre sa bouche pour parler. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit non, moi je peux croire. Croire suffit pour moi. On n'a pas besoin de se baptiser. Pourquoi on doit aller se baptiser? Donc tu connais plus que Dieu. Donc Jésus était bête de dire, si tu crois, tu dois te faire baptiser. Tu dis à quelqu'un que, mon frère, ma soeur, tu as cru, il dit oui, tu dois te baptiser. Il dit que non, j'attends que tu me convainques. Cette conviction, vous allez attendre longtemps. Parce que les commandements sont faits pour être suivis, pour être obéis, pas pour raisonner. Quand Dieu dit, tu ne tueras point, il a répondu, c'est ce qu'il a dit là. Encore celui-là aussi. Quand le Seigneur dit, tu ne tueras point. Il veut dire, tu ne tueras point. Donc, en attendant que Dieu te convainque, tu peux tuer, c'est ça? C'est-à-dire qu'il peut tuer en attendant que. Le jour où il va montrer vraiment que tu ne tueras point, il veut dire, je ne dois pas faire cesser la vie à quelqu'un. Est-ce que c'est comme ça, frère? Alors, je t'en ai dit dans 1 Samuel chapitre 15, donc, les versets 22 et 23. Souvenez-vous, si vous lisez à partir du verset 1 déjà, de 1 Samuel. À partir du verset 1 de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15. Donc, je vais expliquer l'histoire qui s'y trouve dans ce 1 Samuel. La Bible. Hein. Dans le 1 Samuel, Dieu va appeler le prophète Samuel pour dire à Samuel qu'il se souvient lorsque les. Ça, 400 ans plus tôt. C'est un événement qui s'est passé quand Moïse et le peuple d'Israël sortaient l'Égypte. Ils traversaient le désert. Arrivés dans le désert de Tsin. Il demande la médiation, il demande au peuple, les Amoréens et tous les autres peuples qui se trouvent là-bas, nous voulons seulement traverser. On ne veut pas prendre ni le fil chez toi et autres. Permets-nous seulement de traverser le territoire pour aller là où on est en train d'aller. Vous savez ce qu'ils ont dit à Israël? Il y a foutu le camp. Dieu a pris ça, il l'a gardé dans son cœur. Souvenez-vous, les gens dont il est question dans 1 Samuel chapitre 15 n'étaient pas présents quand l'événement s'est passé. Les gens qui sont chez les Juifs, qui étaient là, n'étaient pas les seuls. Les gens qui étaient dans le peuple là, ils ne connaissent même pas l'histoire. Peut-être que ça s'est passé comme ça, comme il y a un conflit entre deux pays, c'est Shammai et puis ça se cesse. Pour Dieu, ce n'était pas cessé. Dieu dit ici dans 1 Samuel chapitre 15 qu'il se souvient lorsque Israël sortait de l'Égypte et que les Amoréens ont barré le visage, quoi, la route à Israël. Dieu donne donc maintenant à Samuel l'ordre de dire à Saül, va, devez-vous pas interdire tous les Amalécites. Devez-vous pas interdire, ça ne peut les passer au fil de l'épée. Il dit, tue, homme, femme, enfant, femme enceinte, nourrissons, tout ce qui a vie, on devait les tuer. Voilà l'ordre que le prophète a dit à Samuel, à Saül. Saül passe en revue la troupe, ils vont, ils finissent de tuer, ils regardent les bœufs qui sont bourmands, vous savez, dodus. Ils disent, notre Dieu ne peut pas tuer ça. On va donner ça à sacrifice à l'Éternel. Quand il a fait ça, Samuel n'était pas présent. Dieu a dit à Samuel, il dit, je me repens d'avoir établi Saül comme roi sur Israël. Son problème était réglé. Mais souvenez-vous, il avait fait quelque chose à moitié. Peut-être qu'il avait fait même 98%. Il a tué les femmes. Il a laissé le roi vivant, le roi des Amoréens, il a gardé. Il a pris les bœufs, donné sa réponse, non, on va garder ceci. Les chétifs, il les a tués. Mais Dieu avait dit, va, ne vous pas interdire. Tout ce qui avait, homme, femme, enfant, nourrisson, femme enceinte, tu dois tuer. C'est l'ordre de Dieu. Le verset 22, donc, quand Samuel est venu vers lui, il dit, sois béni de l'Éternel. Donc, si vous êtes dans la désobéissance, Dieu ne vous empêche pas de rester les versets bibliques. Vous allez que tu lui dis Amen. Mais là où vous avez chuté, c'est là où Dieu va vous attendre là-bas aussi longtemps que vous serez sur la terre. Il avait désobéi Dieu. Dieu lui avait dit, va, ne vous pas interdit. Dieu, quand Dieu est entré en contact avec lui par rapport au résultat, il n'a pas dit, non, tu as fait 99%. Vous voyez? Il n'a pas dit, tu as fait 99%, pour cela, je vais te récompenser par rapport à 99%. Non, non, non, non, non. Pour Dieu, soit tu fais, ou tu ne fais pas du tout. Et vous ferez mieux de prendre cette position-là. Ou bien vous êtes totalement avec Dieu, ou n'êtes pas du tout. Ne faites pas de mesure. Les mondains, eux, ils ne blaguent pas. Quand ils veulent faire le monde, ils le font bien. Les chrétiens font un peu de chrétienté, un peu du monde. N'est-ce pas curieux? Quand vous voyez les mondains à la télévision, n'importe quoi, c'est pavané. Quand ils veulent faire quelque chose concernant le monde, ils le font véritablement bien. N'est-ce pas? Mais quand les chrétiens veulent faire quelque chose pour Dieu, d'autres ont honte. D'autres vont aller à la prière, ont honte. Ils gardent même la Bible, ils ne savent même pas qu'il est de Dieu. Mais quand le monde lui veut, oh ouais, une jeune fille passée avec le nombril de haut, comme on a parlé de mèche là-bas, elle met ça bien sur que toi, tu passes sur le gars comme ça, tu dis yes, papa. Et je les loue parce qu'ils font bien ce qu'ils font faire. Quand tu es dans le monde, fais bien, n'est-ce pas? Il faut bien travailler pour que quand tu quittes, on dit qu'il y a quelqu'un ici. Si tu es une prostituée, prostitue bien. Pour que quand on s'entend, on dit que yes, maman, il y a une prostituée qui nous manque ici. Il faut parler un peu. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était en prison, il a trouvé un monsieur, un jeune garçon là-bas. C'était un grand bandit qu'on avait attrapé, il était en cellule. On demande au petit, il a demandé à l'enfant, petit, tu sais pourquoi? Il dit que j'ai volé la poule. Il a giflé, le bandit a giflé l'autre bandit. Bam, bam! Il dit, c'est toi qui suis un autre métier. Mm-hmm. Il dit, moi ici, c'est parce qu'il a braqué une banque. Toi, tu voles la poule. Tu es fou, tu suis un autre métier. Et le grand bandit avait raison. Tu veux pas aller, tu vois la poule. Pour aller contre enfin pendant des années à cause de la poule. Donc, si vous voulez pêcher, pêchez bien. Tu pêches ça, tu regardes en haut, c'est que moi, je, Seigneur, je vais même pêcher ce dehors. Comme ça, le jour qu'on va dire que c'est le jour du jugement, avant qu'on ne dise que ton nom, pas, tu commences à aller en enfer directement, en sachant toi-même ce que tu as fait. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus parle de la surprise qui sera au jour du jugement. Il dit qu'au jour du jugement, plusieurs lui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas essayé. Il dit Seigneur, il appelle Seigneur. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, il dit, Seigneur, dans Luc chapitre 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous voyez, vous dites Seigneur, mais vous êtes dans la désobéissance. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je dis. Donc, ce qu'il dit, on doit faire. Si vous l'appelez Seigneur, faites ce qu'il dit. Dans Matthieu 28, verset 18 et à 20, il dit à ses disciples, enseignez-leur à observer. Donc, on doit vous enseigner à ce que vous observiez, pas notre commandement. Il dit ce qu'il lui il a prescrit. Donc maintenant, c'est une question d'enseigne que voici ce que la Bible dit. Tu dis, je ne suis pas convaincu, mais c'est ton problème. Tu vas rendre compte à celui qui a dit ça. C'est pas ce que vous comprenez. Alors, dans ces versets 20 à 23, la Bible déclare, vous allez voir, quand le prophète vient vers lui pour lui dire ce qu'il en est, il dit, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Pour lui, il avait obéi à la voix de l'Éternel. Parce qu'il savait très bien qu'en tant qu'humain, s'il a fait 99%, peut-être que pour lui, il a accompli. Pour Dieu, Dieu n'a pas regardé les 99% qu'il a fait. Dieu a dit, il n'obéit point à ma voix. Là, sa voix disait que personne ne doit être vivant. Dieu n'est pas venu pour dire que non, il a tué 99% de bœufs. Il m'a donné le bœuf de gros. Non. Dieu n'a pas besoin de cela. Alors Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que quoi? Encore. Allons-y. Je veux que vous voyez, vérifiez ce qui est écrit. C'est bien. C'est écrit parce que quand il est sorti un postulat, maintenant il ne faut pas que vous me regardez un genre. Vérifiez d'abord que c'est ce qui est écrit. Allons-y. 1, 2, 3. Lisez ce qui est écrit là-bas. Allons-y. Ah, c'est devant vous, non? 1 Samuel chapitre 15. Vous avez peur de la Bible encore? Ouvrez. On y va. Donc depuis que j'en ai parlé ici, ça y parle, pas alors. Vous y êtes? Okay. Verset 20, qu'est-ce que ça dit? Allons-y d'abord, verset 20. 1, 2, 3. Tous ensemble. Wonderful. 1 Samuel chapitre 15, verset. Commençons au verset 20 d'abord. Vous avez ce que lui l'a dit, non? Voilà son compte rendu à lui. Donc c'est un peu comme nous les chrétiens aujourd'hui. C'est quoi? Non, moi je vais à la prière. Je prie, je jeûne souvent. Ce sont les détails. Dieu entre dans les détails. Donc vous voyez, si on demande le compte rendu, c'est pour ça que quand vous voulez vous juger en tant que vous-même, la Bible déclare que chacun se juge soi-même. Quand vous voulez vous juger, soyez-en sûr que vous devez vous juger comme Dieu vous voit, pas selon votre mesure, au standard de Dieu. Donc chaque fois, il faut amener son standard devant Dieu. C'est le standard de Dieu qui doit être notre trait de jauge, pas nous-mêmes. Vous n'allez pas vous juger par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à tel, ou dites, non, moi, ça fait au moins 6 ans, même pas péché. Il y a l'autre frère qui est tombé dans le péché. Il y a même la soeur qui vient dans les obéissants. Donc, tu veux me dire que si Dieu vient, il va frapper tout le monde. Il va quand même tolérer. Dieu ne fait pas cela. C'est individuel. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu ne jugera pas par rapport à quelqu'un. C'est chaque personne qui doit rendre compte pour lui. Et par conséquent, il faut se juger soi-même. Selon l'écriture. Pas selon l'autre. Pas selon une autre personne. En disant que non. Quand j'ai vu l'autre frère boire cela, j'ai bu la première. Alors ça m'a fait saouler. Mais la Bible déclare que quand on avait écrit le nom de celui-là sur la version biblique là. Donc c'est que quand on était noyé, tu vas aller te noyer. Alors ici il dit, Samuel a dit que non, j'ai suivi bien écouté la voix de l'Éternel. Entre temps, Dieu a dit toute la nuit. Samuel a passé toute la nuit devant Dieu pour pouvoir prier que Dieu dit non, jamais. C'est pour lui, c'est terminé. Donc quand Samuel venait vers lui, c'est pour donner le compte rendu de ce qui s'est passé au ciel. Mais lui sur la terre, il savait qu'il était un serviteur de Dieu. J'ai suivi la voix de Dieu bien, en suivant tout ce qu'il a dit. Ça, le prophète lui dit donc au verset suivant, il dit quel est cette bêlement que j'entends là? J'entends quoi comme ça? Il dit, ah oui, le bœuf là, non, ne t'occupe pas d'eux. Hein. C'est que le peuple a trouvé bon d'offrir les grands bœufs chétifs là pour qu'on puisse offrir ça à l'Éternel. Donc ça veut dire que Dieu avait oublié que vous allez brûler le bœuf. Donc il s'était trompé en disant il faut tuer, tout ça tuer. Verset 23 alors. Allons-y, 1, 2, 3. Et les téléphones. Ok, maintenant regardez-moi bien. Je vais le dire ça en poste là pour que vous compreniez très bien. Je cite d'abord ce qui est écrit. Il dit la désobéissance est aussi coupable que. C'est-à-dire en langage simple. Si tu désobéis à Dieu, tu es un sorcier. Un marabout. N'est-ce pas, les frères? Donc, chaque fois qu'on désobéit à la parole de Dieu, et qu'il y a un sorcier ici, Dieu regarde le sorcier de la même façon comme toi. Pas vrai? Regarde encore. Car la désobéissance est aussi coupable. Donc la dimension de la désobéissance, c'est, si on veut punir les ceux qui sont désobéissants, on punit la même dimension qu'on punit les marabouts et les sorciers. Donc on peut dire sans risque de se tromper, si quelqu'un désobéit à un verset biblique, c'est un sorcier. D'après ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc si on te parle, baptise-toi par exemple, tu dis que je ne me baptise pas. Après tu vois un gars, quelqu'un qui est l'église catholique, et ils adorent Marie, vous êtes identique d'après Dieu. C'est ce qui est là. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Parce qu'eux, ils l'idolâtrent, très clément, t'as une idolâtrie d'une seule façon. C'est ce que Dieu vient de dire. Vous avez su ce qui est écrit? Voilà. Donc, alors maintenant, c'est pour ça qu'il dit aux gens, après avoir lu la Bible, si vous n'êtes pas prêt à suivre ces recommandations, vous n'avez qu'un seul cas à faire. Fermez ça. Déposez, continuez votre vie. Ce serait bien pour vous que d'avoir les instructions et ne pas suivre. La Bible déclare qu'on demandera à celui à qui on doit beaucoup donné. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on te donne les instructions, sache qu'il y aura beaucoup d'exigences en retour. Donc, c'est mieux de ne pas connaître que de connaître et se détourner. Dans 2 Pierre chapitre 2, vous lisez les versets 19 à 22. Il dit que, au verset 20 et 21, il dit qu'il leur est arrivé ce que dit un proverbe, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Il dit que ce serait mieux, après s'être retiré de la souille, des souilles du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ici ils retournent encore, ils sont vaincus. Il dit que leur première condition, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la vérité, que de connaître la voie de vérité et se détourner des cinq commandements qui leur étaient donnés. Parce qu'en comprenant la vérité, chaque fois que vous entendez la vérité, ça vous purifie, vous ne savez pas cela. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ça vous purifie. Ça délivre votre âme de toutes les chaînes que Satan s'est emparé pour vous soumettre à l'intérieur. Sinon, pour cela, vous pouvez voir que vous vivez dans le mensonge. À un moment donné, vous ne mentez plus. Parce que la puissance de la vérité, en y abusant, vous a délivré. Vous me suivez? Alors, toute personne, vous pouvez être d'accord avec moi. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce qu'ils vont lire. Et chaque fois maintenant, je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Si je désobéis à la parole de Dieu, je suis un sorcier. Donc, quand on prie dans les autres équipes pour envoyer le feu sur les sorciers, là, c'est sur toi, par exemple, qu'on a dit d'envoyer. Donc, on dit que les sorciers meurent, je les taille en pièces, c'est de vous dont on parle. N'est-ce pas? Donc, la sorcellerie, ce n'est pas seulement les sorciers dans le ventre pour aller manger les gens dans la nuit. La sorcellerie, d'après le Dieu ici, consiste à désobéir à ça là. Alors, donc, qu'est-ce qui peut faire qu'un être humain lit la Bible noir et blanc? Il dit, par exemple, que tu dois te baptiser. Il dit qu'il attend qu'on le convainc. Comment on va te convaincre? Que Dieu bénisse alors. Non, c'était seulement une parenthèse. D'accord. J'espère que c'était seulement une parenthèse par rapport à cela. Mais la Bible déclare qu'au dernier temps, il y aura la rébellion doit augmenter. Les gens seront irreligieux, ingrats, rebelles à leurs parents, c'est ça? Alors, maintenant, ça veut dire que quand vous allez dans les Saintes Écritures, il faut demander à Dieu de Seigneur, donne-moi un cœur obéissant à ta parole. Amen. Si c'est pas comme ça, vous n'allez pas vous en sortir parce que de vous, vous ne pouvez pas marcher selon ces paroles-là. Il faut que le Saint-Esprit vous pousse à conduire sur cette voie-là. Sinon, c'est pas cela. Vous ne pouvez pas marcher. C'est que la chair résiste à la loi de Dieu. Et vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu qui est esprit avec la chair. Donc il va falloir qu'il y ait l'accompagnement du Saint-Esprit. D'accord, mes frères? Avec tendresse, je t'aime, Seigneur.